Jean Bosco, Douy Mann. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal de ce 10 juin 2016, l'édition de la soirée. En voici les grands titres. En actualité nationale, Léonard Senhoré a pris officiellement ses nouvelles fonctions de commissaire général de l'Office burundais des recettes OBR en remplacement de Domitien Ndihokubwa, récemment nommé ministre des Finances. Lors de la remise et reprise cet après-midi, les textes réglementaires régissant l'OBR figurent parmi les grands dossiers lui laissés par son prédécesseur. La société Royal Services de recrutement des femmes et filles communes devra renvoyer à l'étranger, surtout dans les pays arabes, n'est pas enregistrée au ministère de l'Intérieur. Précision donnée par le porte-parole de ce ministère au cours de la conférence de public des porte-paroles qui a eu lieu à Lomongé. De son côté, le porte-parole du président de la République estime que, si tel est le cas, il revient aux instances habilitées d'agir rapidement pour mettre un terme aux activités de cette société. Et le ministère du Commerce annonce que la campagne de production du sucre par la société sucrière du Mosso Sosumo commence le 16 juin prochain et que donc le sucre pourra être disponible dans tout le pays. Le porte-parole du gouvernement appelle la population à dénoncer tous les commerçants spéculateurs dans sa commercialisation. Il donne l'exemple de la population de Rutana, vous l'entendrez. Et une quarantaine de personnes ont été arrêtées hier à Moussaga à la suite de l'assassinat d'une personne dans l'après-midi de ce jeudi. Et en actualité africaine et internationale, en Ouganda, l'armée annonce l'arrestation d'au moins 30 personnes soupçonnées de complot en vue de renverser le gouvernement. Et l'Euro 2016 de football commence vendredi soir à Saint-Denis en France. Le match d'ouverture oppose les équipes de France et de Roumanie. Coup d'envoi à 21h, heure de Bujumbura et de Paris. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Une quarantaine de personnes ont été arrêtées ce jeudi après-midi dans la zone urbaine de Moussaga, plus précisément à la 2e avenue. C'est après qu'un certain Raymond Sabimana a été tué par 5 balles dans la tête par un malfaiteur en possession d'un fusil de type Kalachnikov qui s'est volatilisé par la suite. Deux parmi les personnes arrêtées étaient des mamans allaitantes qui ont été relâchées après. D'autres sont détenus au commissariat municipal de la police judiciaire ex-BCR où ils subissent un interrogatoire selon le porte-parole adjoint de la police nationale. Bien que les habitants de la zone indiquent que ceux qui ont été arrêtés ont subi des tortures, la police dit ne pas être au courant de cela et appelle la population à signaler de tels cas pour que les auteurs soient punis. Le ministre des Finances a procédé ce vendredi aux cérémonies de remise et reprise avec son successeur à la tête de l'Office burundais des recettes. Parmi les grands dossiers que Domitien Ndihokubwa laisse à Léonard Senhoré, l'actuel commissaire général de l'OBR, figurent les outils permettant d'accomplir son travail, notamment les lois et textes réglementaires qui régissent l'OBR. Le travail de l'OBR n'étant pas un travail simple, il est demandé au nouveau patron d'être au service de la nation et d'ouvrir les portes aux contribuables qui a besoin d'un travail de qualité. Domitien Ndihokubwa, ministre des Finances. En premier lieu, nous avons remis entre ses mains tout le personnel de l'Office burundais des recettes, un personnel que nous connaissons, travailleur, un personnel que nous connaissons dévoué et qui est aussi compétent. En deuxième lieu, nous lui avons remis les lois et les textes réglementaires qui lui aideront aussi à servir les contribuables conformément à la loi. En troisième lieu, nous avons aussi remis les textes qui régissent l'OBR et qui permettront une bonne compréhension, une bonne collaboration avec ses collaborateurs. Je dirais aussi qu'en troisième lieu, il y a aussi du matériel qui va l'aider à se déplacer, l'aider à accomplir toutes les missions qui sont confiées à l'OBR. Mais en peu de mots, je dirais que nous lui avons remis les outils qui lui permettront de gérer convenablement et efficacement l'Office burundais des recettes. Nous lui demandons d'abord d'être à l'écoute du personnel, à l'écoute des contribuables qui viennent nombreux ici chercher le service auprès de l'OBR. Nous lui demandons aussi d'être au service de la nation et de ne pas seulement penser que c'est du simple travail. Travailler à l'OBR, ce n'est pas seulement se lever le matin et aller au travail, c'est réellement savoir qu'on doit travailler des fois 24 heures sur 24. Nous lui demandons aussi d'ouvrir les portes aux contribuables qui ont besoin d'avoir un service de qualité et de voir que chaque jour, il essaye d'améliorer les services qui sont ici à l'OBR. C'était le ministre des Finances, Domitien Ndihokubwa. Et puisque nous parlons finances, ces 5 défis majeurs doivent être relevés d'abord par le gouvernement pour débloquer les 500 millions de francs burundais prévus pour le financement des projets des communes. Cela ressort d'une déclaration faite par Faustin Dikoumana, directeur exécutif de la PARSEM, au cours d'une conférence de presse ce vendredi. Il ajoute que pour assurer un bon suivi, les communes devraient être préparées face à cette somme si importante. Suivez Faustin Dikoumana. Nous nous disons qu'il y a 5 défis qu'il faut absolument surmonter pour que la population à la base en ressente vraiment les dividendes. D'abord, il faut que ces fonds soient disponibles, la disponibilité des fonds. Parce que dans le contexte actuel, disponibiliser 500 millions par commune, alors que les communes sont environ 120 communes, c'est environ 60 milliards. Pas chose de dans le contexte du tarissement des bailleurs de fonds. Cependant, des efforts doivent être fournis pour que ces fonds soient disponibles. 2. La capacité des communes est à désir actuellement. Il faut que des communes aient des compétences, des ressources humaines, des ressources matérielles, des équipements nécessaires. Sinon, disposer des fonds comme ça dans une commune à faible capacité, le résultat n'est pas là. 3. C'est la spéculation des cadres centraux. Parce que des fois, quand de tels montants sont prêts à être déboursés, on voit des fois des distorsions dans la coordination où certains ministères ou certains services de l'État se livrent une guerre de coordination, une guerre sur la mainmise de la gestion et la gestion de ces fonds. Cela montre qu'il y a des spéculations et qui torpillent une meilleure coordination parce que chacun essaie de tirer la ficelle de son côté pour voir son compte. 4e défi, c'est la corruption et l'impunité. Et quand nous parlons de la corruption, nous nous insistons sur les infractions connexes à la corruption. En l'occurrence, le détournement des biens, cet enrichissement illicite et impuni, son favoritisme dans la passion des marchés publics. 5e défi, c'est le manque d'implication citoyenne. Il faut que les gens à la base soient sensibilisés. Il faut créer un espace où la dynamique associative locale puisse être impliquée dans le suivi des résultats liés à ces financements. Et pour que cet argent ne soit pas dévié pour financer des projets de certains dirigeants, Faustin Dikoumana propose plutôt la tenue d'un atelier dans l'urgence, regroupant tous les acteurs économiques pilotés par le bureau de la deuxième vice-présidence. Encore une fois, Faustin Dikoumana. Nous voyons qu'il faut tenir une réunion en urgence où tous les acteurs seraient impliqués, notamment le ministère des Finances, du développement communal, de l'intérieur, ministère de la bonne gouvernance, l'administrateur, le représentant du Parlement, le fonds phonique, sous la coordination du bureau de la deuxième vice-présidente de la République. Parce que c'était un objectif vraiment louable par rapport à la lutte contre la pauvreté. Il faut vraiment qu'il y ait une coordination, un suivi. Et sinon, les 60 milliards au niveau des États, on peut se retrouver en train de financer d'autres activités d'une manière illicite. Faustin Dikoumana, dont les propos ont été recueillis par Placide Niyomwongere. Et les responsables administratifs en collaboration avec la population peuvent aider à ce que les choses reprennent leur cours normal dans la commercialisation du sucre dans tout le pays. C'est du moins ce qu'a indiqué ce vendredi matin le porte-parole du gouvernement au cours de la conférence publique des porte-parole. Philippe Nzobonariba a demandé à la population de rester vigilante et de dénoncer les commerçants spéculateurs. Il est traduit par Placide Niyomwongere. Vous avez entendu ce qui s'est passé à Rutana. Ils ont vu un véhicule qui transportait beaucoup de sucre. Les administratifs ont donné l'ordre à la population de décharger le camion et ils ont dit à la population sur place de collecter l'argent correspondant à la quantité du sucre contenu dans le camion pour le remettre aux commerçants. Ils ont par la suite demandé qu'il soit rayé de la liste des grossistes. Là, tout devient normal. La permission a été donnée. Ces spéculateurs doivent être arrêtés et la SOSUMO avertie. Si on prend des mesures en leur endroit, si on ferme les robinets à cette personne qui s'était lancée dans la commercialisation du sucre, le sucre qui avait été caché, on va le retrouver facilement au marché. Parce que la production du sucre est suffisante. Ne pense pas qu'on va faire recours à l'extérieur pour s'en procurer. Nous demandons à tous les Burundais que ces spéculateurs soient poursuivis depuis l'administration qui établit les listes. Demandez-leur alors où ils ont mis le sucre. C'est Sachez que le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme rappelle que le prix officiel reste de 1750 francs burundais le kilogramme et que toute augmentation de prix relève d'une pure spéculation des commerçants. Dans un communiqué rendu public ce vendredi, le ministère du Commerce avait aussi demandé à toute la population de dénoncer les spéculateurs auprès de l'administration et des forces de l'ordre. Il informe par ailleurs que la campagne de production du sucre Sosumo commence le 16 juin prochain et que le sucre sera bientôt disponible dans tout le pays. La société Royal Services, qui affirme avoir une mission d'envoyer des Burundais à travailler en Arabie Saoudite, ne figure nulle part au ministère de l'Intérieur. Cela a été dit ce vendredi par le porte-parole du ministère, Terence Naira Aja. C'était au cours d'une conférence publique des porte-parole qui a eu lieu à Rumonge. Il précise qu'aucune organisation non agréée n'est autorisée à exercer aucune activité sur le sol burundais. Suivez. Les chiffres que nous avons pour les associations qui opèrent au niveau national sont à plus de 6700 jusqu'à l'heure qu'il est. Royal Service ne figure pas sur les listes que nous avons, à moins que son dossier soit encore sous analyse. Et quand une association travaille sans agrément, elle est stoppée. Personne ne peut venir travailler sans autorisation de la part des instances habilitées. De son côté, le porte-parole du président de la République, Gervais Abayeho, estime que si cette association Royal Services n'est pas agréée au ministère de l'Intérieur, il revient aux instances habilitées d'agir au plus vite pour stopper ses activités. Si le porte-parole du ministère de l'Intérieur confirme que cette société ne figure nulle part sur la liste de celles agréées, ce que l'on pourrait dire ici est que les concernés au sein de son ministère, à savoir celui de l'Intérieur, celui de la sécurité publique, de même que celui des relations extérieures qui a aussi une responsabilité dans la vérification de la légalité des associations qui veulent travailler dans le pays, à agir au plus vite pour voir si l'association n'est pas autorisée, prendre ainsi des mesures qui s'imposent et fermer. Et au sein de la police nationale, on indique que tout individu majeur peut aller travailler partout où il veut. Seulement, s'il est prouvé que quelqu'un est en train d'embarquer des mineurs à l'étranger, il est arrêté. Le porte-parole de la police affirme que le trafic des humains est une réalité, même au Burundi, il y a des gens qui sont déjà dans la main de la justice. Et l'Association pour la mémoire et la protection de l'humanité contre les crimes internationaux MPC, Girubuno, commémore ce samedi le 21e anniversaire d'assassinat d'une cinquantaine d'étudiants à l'Université du Burundi. La MPC demande que la lumière soit faite sur ce massacre et qu'il y ait une journée en mémoire de toutes les victimes des différentes crises ayant endeuillé le Burundi. Aloïse Watunganayo, c'est le représentant légal de la MPC, Girubuno. Une journée en mémoire de toutes les victimes du Burundi, c'est une question très délicate. Nous l'avons déjà soumise auprès des institutions qui dirigent ce pays, à commencer par le Parlement, la Chambre basse et la Chambre haute, même le gouvernement. La réponse est claire pour eux. Ils disent que c'est plutôt du ressort de la Commission Vérité et Conciliation. Et lorsqu'on consulte le texte qui régit la Commission Vérité et Conciliation, entre autres, il y a la proposition d'une journée commune, d'une journée à mémoire de toutes les victimes qui ont été massacrées au Burundi. Sauf que dans ce texte, rien ne montre que la Commission Vérité et Conciliation va essayer de connaître toutes les victimes. Mais au sein de la MPC Girubuntu, avec d'autres associations qui sont regroupées dans une plateforme qui s'appelle CARAVI, Centre d'appui pour les associations des victimes, c'est entre autres AC Génocide, AVOD, ALM Wuta, c'est ADS Inyingi, c'est Avisibu de Bugendana, c'est ARG de Kiwimba, c'est ADN de Nega et Marangara, AMPC Bikirubu bien entendu. Nous avons décidé de mettre en place, d'instituer une journée à mémoire de toutes les victimes au Burundi. Et cette journée, c'est le 15 décembre de chaque année. Pourquoi le 15 décembre de chaque année? Nous nous avons dit, au Burundi, presque toute famille a perdu. Et là, nous avons dit que toute famille puisse se souvenir de ces illustres disparus à partir du 1er janvier jusqu'au 14 décembre. Et le 15 décembre, que toutes ces familles qui ont commémoré puissent se mettre ensemble pour se souvenir de toutes les victimes. Aloïse Batungwanaye, représentant légal de l'AMEPC Girubuntu. Et puisque nous parlons droits de l'homme, l'on constate une surpopulation à la prison pour hommes d'Ongozi où les effectifs des détenus ont été multipliés par 4 comparativement à sa capacité d'accueil. À l'origine de cette situation, la lenteur des procès des prévenus des ressorts judiciaires de Kayanza et Kirundo consécutives aux problèmes de déplacement des juges de ces provinces vers Ngozi, d'après les responsables de la prison de Ngozi. Dans la suite de ce journal, parlons maintenant développement à la base. Malgré les relations moins bonnes entre le Burundi et l'Union européenne, certains pays de cette union continuent leur appui au développement de la population, selon l'ambassadeur de la Hollande au Burundi. Opéal Hulk l'a déclaré lors de sa visite ce mercredi aux associations paysannes impliquées dans le secteur du développement en province de Cibitoke. Suivez l'ambassadeur de la Hollande. Oui, notre coopération avec le Burundi traverse une situation assez difficile. Il y a au niveau national, on a une crise politique, sécuritaire, et il y a quelques programmes au niveau national qu'on a suspendus dans la coopération avec le gouvernement au niveau national. Mais on a toujours dit que les Pays-Bas restent un pays partenaire pour le Burundi. Ensemble, on ne veut pas que la population souffre, alors on continue avec les activités pour le développement. On veut éviter la crise pour la population et croire au développement qui est nécessaire pour le Burundi. Alors c'est pour cela que les activités que nous avions, pas mal avec les ONG, mais aussi en coopération avec l'administration provinciale et communale, que les activités doivent continuer pour qu'il y ait la production agricole, pour qu'il y ait investissement dans l'éducation, pour que la population puisse profiter quand même du développement. C'était l'ambassadeur des Pays-Bas au Burundi. Une nouvelle stratégie de disponibilisation des semences de qualité va bientôt voir le jour. Cette annonce est du secrétaire permanent au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Séverin Magorikunda l'a indiqué ce vendredi lors d'un atelier de validation du projet du programme national de subvention des semences au Burundi. Il a en outre fait savoir que l'ancienne stratégie n'a pas permis la production de semences certifiées en grande quantité. Mireille Kanyange a suivi cet atelier. Elle nous fait le point. Lors de cet atelier de validation du nouveau programme national de subvention des semences au Burundi, le secrétaire permanent au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a fait savoir que les semences dans l'ancienne stratégie étaient de mauvaise qualité. L'ancienne stratégie avait comme approche d'appuyer les producteurs de semences en leur donnant des intrants nécessaires à la production. Et cela n'a pas permis la production de semences certifiées en grande quantité. Et par conséquent, l'accessibilité aux semences certifiées par les agriculteurs est restée faible. Aussi, dans la plupart des cas, les semences produites dans ce système était de mauvaise qualité. La nouvelle stratégie concerne différentes cultures pratiquées par les agriculteurs burundais, dont le haricot, le petit pois, le maïs, la pomme de terre et autres. Séverin Bagorikunda nous parle ici en quoi consiste ce nouveau programme. Cette stratégie consiste à demander aux agriculteurs d'exprimer leurs besoins en semences et plans améliorés et à payer une partie du prix de semences demandées, l'autre partie étant payée sur les fonds en provenance du gouvernement et de ses partenaires appuyant le secteur semencier. Se basant sur les effets positifs qu'a produit la subvention des engrais, où la production a passé de 6 000 tonnes à 30 000 tonnes, le secrétaire permanent au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage espère que les semences seront plus achetées et utilisées dans les exploitations des ménages burundais. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. C'est sur ce site que vous nous suivez à Kinshasa, Kampala ou à Paris et partout ailleurs dans le monde. Un accord a finalement été trouvé à Bruxelles entre les principales forces de l'opposition congolaise. Après la signature de l'acte d'engagement des forces politiques et sociales acquises au changement, l'opposition a affirmé une position commune face au dialogue national et a annoncé la création d'un organe commun nommé le Rassemblement. Une décision assortie de nombreuses exigences, l'organisation de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels, la libération de tous les prisonniers politiques ou encore l'examen du fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI et de la Cour constitutionnelle, entre autres. Mais surtout, le départ de Joseph Kabila de la présidence dès le 20 décembre prochain. Pendant ce temps, à Kinshasa, le ministre de la Communication estime que ce conclave s'est fixé sur l'opposition à un homme, en l'occurrence Joseph Kabila, et qu'il ne s'est pas intéressé aux vrais problèmes de la nation. Et en Ouganda, l'armée annonce l'arrestation d'au moins 30 personnes soupçonnées de complot en vue de renverser le gouvernement. Un député de l'opposition figure parmi les personnes arrêtées et soupçonné d'être lié à un groupe rebelle, selon Paddy Ankunda, porte-parole de l'armée ougandaise. Enfin, l'Euro 2016 de football commence vendredi soir à Saint-Denis en France et durera jusqu'au 10 juillet. 43 joueurs africains qui vont y prendre part auraient pu disputer une Coupe d'Afrique des Nations. Certains ont même longtemps hésité entre l'Europe et l'Afrique. Le match d'ouverture oppose les équipes de France et de Roumanie. Coup d'envoi à 21h. Heure de Bujumbura et de Paris. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana, aux manettes, au micro, Jean Bosco Ndouimana. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.